concours du Essaimport, Lille et Paris. Salut bande de poufoukèche, Cocteau, COCTO dans la radio, le commandant. Cocteau à bord du 10e Space Party. Eh oui, déjà 10, c'est fou non la vie hein. Le Space Party, c'est tous les samedis 1h-2h, sur Énergie, 1 heure de musique de sauvage taré. Space Party, c'est plus fort que le film porno sur Canal+. Oh oui, encore. Space Party, c'est plus fort que le doigté de Charlie Oleg, de tourner Manège, sur son petit piano, orgue. Avec dans la première session du Space Party, Indigo, Lenny D, Fiction, The Movement, The Creator, Tragic Error, Fission Act, Eva, Eva. Saga Africa, ambiance de la brousse. Attention les secousses, le cauchemar ne fait que commencer. Down. Oh, Énergie tous les samedis soirs entre 1h et 2h. C'est le Space Party. Yeah! Une heure de musique sauvage. Beaucoup de gens critiquent cette musique de sauvage en disant « Ouais, c'est peut-être du bruit, mais c'est pas drôle. » Alors, pour satisfaire ces gens qui ne trouvent pas que la musique de sauvage est drôle, un petit sketch. Un petit sketch pour rigoler. Et juste après rire, donc, chanson. Ça fait une balade. Excellent. Très des fort. Fois, je fais le tour du pâté de maison. Oh, très fort. Quand je trouve un taxi. Là. Space Party. We'll be right back. complètement bourré. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les ovnis sont là. Les ovnis sont là. Faites attention. Énergie, le 10e Space Party s'achève. Il va falloir, mes frères, attendre une semaine avant de jouer la marche funèbre avec un petit pipeau, avant de connaître tous les plaisirs d'un bon fauteuil d'une Sika 1000 Turbo D. Avant de faire une course d'ovnis. D'ailleurs, pour la course d'ovnis, vous pouvez vous inscrire sur le 3615 Énergie, boîte aux lettres Cocteau. Ceci est aussi valable par courrier. Énergie, 39 Avenue Diana, 75 116 Paris, en marquant le Space Party. À très bientôt, le commandant Cocteau, COCTO, vous embrasse, passez une bonne nuit, faites une course d'OVNI, amusez-vous bien, d'ici la semaine prochaine, faites des cendriers en retin, pour l'instant, 14h du mat. Attention, l'heure du grand choc.